fini pour la période de questions, puis la semaine prochaine, c'est la période de réponses. Là, je vais lire les questions. La mode fluo a-t-elle un lien avec les intraterrestres? Si oui, lequel? Chose qui est certaine, c'est que toutes les formes de mode sont des mécaniques d'involution qui obligent les êtres humains à devenir collectifs puis à se ressembler les uns les autres de façon à ne pas privilégier leur identité puis leur phénomène naturel chez eux. Et la mode fluo, c'est la mode qui ramasse en majorité les jeunes d'aujourd'hui. C'est galactique un peu, c'est de l'avenir, c'est très intéressant comme couleur. Et c'est une mode qui a la capacité, la couleur fluo, de s'accrocher surtout à ceux qui ont des cerveaux dont le système neuronique fonctionne rapidement. Les enfants Teflon peuvent aimer ça, hélas. Pas la couleur fluo, on parle de la mode fluo. Alors ça devient, c'est un phénomène donc qui est dangereux. Est-ce que ça a des relations avec la mécanique intraterrestre? Tout ce qui est collectivisant a une relation avec la mécanique intraterrestre. Quelle est la mécanique qui fait que l'homme est tiraillé? Est-ce qu'il réincarne deux futurs, deux choses? Si oui, c'est le choix de l'un d'eux qui règle le problème. Sinon, explique. Ce n'est pas deux futurs. Les deux futurs ne dérangent pas trop. C'est qu'il vit avec le passé et il vit avec l'avenir. Et dans une partie, l'avenir, c'est refaire le passé, donc les mêmes choses. Et dans une autre partie, l'avenir, c'est quelque chose de neuf qui n'a pas été vécu dans le passé. On peut donc dire que c'est comme s'il était pris entre deux chemins. Celui qui est l'extrapolation de son passé, donc de son histoire, demander aux militaires de vivre dans une société où on n'a plus besoin de l'armée, aux policiers de vivre dans une société où on n'a plus besoin de policiers, aux pompiers, aux médecins, etc., etc., c'est toute une grosse problématique parce que l'humain, historiquement, l'ego de l'homme n'a pas la capacité d'envisager ce que peut être un monde convenable. Comme je disais à un moment donné, il n'y a personne sur la planète qui serait réellement heureux de rejoindre son Dieu parce qu'il serait pogné à passer l'éternité à rien faire. L'humain ne peut pas concevoir ce que ça va donner. Alors c'est sûr qu'on dit tout le temps, puis je connais plein de personnes, moi, qui m'ont donné, qui sont en enfer chez eux, puis là, le paradis, c'est au Mexique, c'est en Floride, c'est dans tel autre pays. Ah, ils partent, ils déménagent, ils se sauvent eux-mêmes, ils s'en vont dans le paradis. Deux ans après, ben, ils quittent l'enfer à toute vitesse, puis ils reviennent dans leur ancien enfer, qui est peut-être plus paradisiaque qu'ils le pensaient. L'humain est toujours mal pris, parce que l'humain, essaie de fuir une partie du passé en retrouvant une partie du passé. Dans le passé de l'humanité, il y a des créations extraordinaires qu'on détruit, il y a les êtres humains extraordinaires qu'on forme, qu'on détruit, et c'est continuellement comme ça. Dans une société plus parfaite, l'humain, l'ego de l'homme, ne voit pas ce que ça peut donner. Comme de temps en temps, quand je parle de l'homme nouveau, les personnes disent « Oui, mais l'homme nouveau, la femme nouvelle, l'enfant nouveau, c'est un robot. » Pourquoi c'est un robot? Ben, crime, quand il pleut, ça le dérange pas. Quand il neige, ça le dérange pas. Quand il fait beau, ça le dérange pas. C'est un robot. Ben, l'humain, c'est un robot. Quand il neige, il chiale. Quand il pleut, il chiale. Quand il fait chaud, il chiale. Bon, ben, c'est un robot aussi. Il y en a un qui est malheureux, il y en a un qui est heureux. Bon. Alors, l'humain est pris entre le passé, la tradition, comme tout à l'heure je le disais. Faisons une société neuve et intelligente, et vous aurez à peu près juste des humains malheureux dedans. Sauf si l'humain devient réellement un être humain, il n'est plus assujetti par la mécanique de l'animal humain, et qu'il finit par décider qu'effectivement, si on veut améliorer les choses, il faudra changer des choses. Changer des choses veut aussi dire nous changer. On aimerait un monde qui n'est pas pollué, mais je veux garder mon automobile, puis je veux continuer à acheter mes canettes dehors, puis je veux continuer à avoir des vidanges à la maison, puis consommer, puis on y donne. Il y a un restaurant qui s'essaye, c'est McDonald's, faut même le... c'est pas dangereux de le nommer parce qu'au moins il le mérite. Ça leur fait une bonne publicité, mais c'est une des rares compagnies qui fait sa publicité en construisant, que ce soit le manoir Ronald McDonald ou que ce soit simplement dans certains magasins où ils ont doublé la quantité de poubelles, parce qu'il y a une poubelle où on met des trucs recyclables, puis une où on met des affaires qui ne sont pas recyclables. Ben, les gens, ils aiment ça, mais ils ne veulent pas être pognés à devoir commencer à mettre un plat là, puis un plat là, puis un pied là, puis ils vont tout dans le même panier, puis ça finit là. T'sais, ils ont rien qu'à fournir du monde pour vider les cabarets, quand même. Et c'est là le problème, c'est que la majorité des êtres humains ne peuvent pas traverser dans une société convenable uniquement parce qu'eux ne sont pas convenables, bien qu'ils rêvent à une société convenable. Bon, le soldat souvent rêve de la paix que lui va instaurer. Avec les armes. Alors, donc, l'humain est tiraillé entre deux choses. Où on va, et quand je dis où on va, c'est même pas un choix planétaire. Quand souvent l'humain, il se dit, oui, mais Christy, tu sais, même si moi je pense comme ça, le reste de l'humanité, mais on s'en fout du reste de l'humanité, on ne peut pas vouloir s'inquiéter dans une fausse spiritualité, une spiritualité malsaine, de l'humanité entière. C'est comme de dire, ben, Christy, tout le monde va mourir, mourons avec, soyons corrects. Voyons, reste en vie, toi. Ceux qui meurent, ils retrouveront bien quelque part à un moment donné, mais il faut qu'il y ait des humains pour laisser des traces. Alors, occupe-toi pas de ceux qui ne peuvent pas passer, et occupe-toi de ceux qui peuvent passer. Le plus important, c'est soi-même. Bon, quand soi-même on est convenable, ben ça rayonne à un moment donné, puis on rend des gens autour convenables, puis on attire ceux qui le sont déjà, et puis progressivement, on découvre qu'on n'est pas le seul ou la seule folle dans l'eau. Et à un moment donné, on arrive à traverser. L'être humain ne peut s'occuper de l'humanité, surtout que la majorité des êtres humains ne veulent rien savoir d'une société convenable. Et l'être humain qui, à un moment donné, sera transportable ou qui se conscientise, va vivre sur un monde qui, de plus en plus, sans que ce soit... L'humain s'attend toujours à certaines formes d'intervention extrêmement évidentes, dans le genre, les secours arrivent, là, puis la gang, ils ont tous été manipulés chez une montagne, puis ils embarquent tout là-dedans, puis ils partent tout, puis... C'est du voyage pendant 400 millions d'années. Quand t'arrives là-bas, il n'y a pas de quoi faire à bord. Tout est correct. Tu parles de ça, des mécanismes de... d'expulsion par rapport à l'enfer. Tantôt, tu disais, ben, on part du Québec et puis on s'en va au Mexique. Ou... Est-ce que la meilleure fuite face à un problème, c'est de l'affronter? Non. Ou c'est de le tolérer, ou c'est quoi? Même pas. Pas la meilleure fuite. La meilleure fuite face à un problème, c'est de sacrer son camp. La meilleure fuite. Le meilleur résultat, je dis. La meilleure solution face à un problème, c'est de cesser d'avoir le problème. Donc, c'est ni de l'affronter, ni de le tolérer, mais de ne plus l'avoir. Oui. Parce que régler un problème, c'est méritoire. On ne doit pas régler un problème. Il n'y a pas de problème. Qui ici a travaillé pour avoir des problèmes? Qui? Bon, qui? Qui voulait des problèmes? Il y en a qui, à cause qu'on ne leur a pas tout dit ce qu'il fallait faire, sont entourés de problèmes. Qui voulait des problèmes? C'est de votre faute? C'est de la faute de personne. Et là, tu vas dire, oui, mais il y a quand même... Non. Je suis d'accord que tu rembourses ton gérant de banque si on veut conserver une société qui a suffisamment d'écologie présentement, parce qu'on est encore dans une société où on a besoin d'argent, n'empêche que c'est une attitude humaine, celle de remettre les énergies qu'il a pris. Bon. Sauf que ce n'est pas un problème que d'être endetté. On ne devrait jamais être endetté. Mais ce n'est pas un problème que d'être endetté. C'est une situation. C'est un événement. Ce n'est pas un problème. Est-ce que vos dettes méritent, sont suffisamment importantes, suffisamment belles, pour mériter de vous rendre malade, de vous détruire la vie familiale, de tout altérer ce qui est autour de vous? Parce que c'est un bon problème. Il mérite ça, lui. L'humain mérite plus. Fait que le problème, je comprends, c'est un problème, c'est un problème. Et puis, oui, mais là, j'ai pas d'argent. Ça sert à rien que je me stresse, que je me scie, que je me sors, je n'ai pas plus. Quand j'en ai, j'en donne. C'est important de fer, il y a des échanges d'énergie. Elles ont toujours été supportées par l'argent depuis du moins très longtemps. Elles sont supportées aussi par le troc. L'argent, c'est cela. On rend service, c'est du troc. On prête, on emprunte, c'est du troc. On donne de l'argent, on prend des objets, c'est du troc. À un moment donné, l'humain va découvrir une autre forme d'échange d'énergie qui ne sera pas celle du troc. Bon, c'est pas les humains qui peuvent l'utopiser, mais ça ne sera pas vécu immédiatement. Sauf que c'est évident qu'on doit rembourser ce qu'on a pris en termes d'énergie. Mais on a des problèmes, on ne peut pas avoir de problème. Puis si le problème qui n'est pas un problème, c'est la maladie, qu'est-ce que tu fais? T'arrêtes d'être malade? Ben, c'est évident. C'est tout. Ben, oui, on a. Facile. Si jamais qu'on a le cancer, ben, vous guérirez. Par rapport à la forme de l'ego, la simple observation de l'ego. Bon, pour la forme de l'ego, seulement observer l'ego. La seule observation, OK. La simple observation, OK, du mental sur l'ego suffit. L'observation du mental sur l'ego, ce que ça fait, c'est que ça nourrit le mental, puis ça oblige l'individu à se dissocier de son ego. Quand il est suffisamment dissocié de son ego, il se rend compte quand c'est une décision émotive de quand c'est une décision qui est mentale. Autrement dit, à un moment donné, il va se rendre compte qu'il chiale présentement parce qu'il pleut, mais c'est stupide de chialer. Donc, nécessairement, il se rend compte que c'est l'ego qui chiale parce qu'il pleut. Parce qu'il s'en rend compte, l'ego ne chiale plus. L'ego disparaît. L'ego, c'est un vrai pissou, c'est un peureux. À l'instant où il se sent observé, il n'est plus là. Bon. Ça ne réglera pas le problème de l'ego, mais ça arrange le problème du mental. Donc, ça arrange le problème de ce que nous sommes en réalité. On peut instruire l'ego comme un enfant, à un moment donné, on y parle. Bon, souvent, l'ego porte notre nom. Alors, mon ego s'appelle Daniel. Moi, je ne m'appelle pas Daniel. Et de temps en temps, l'humain qui se dit « je me suis raisonné », mais c'est ça, c'est qu'il a obligé l'ego, il a instruit l'ego ou il a commandé l'ego par la parole à cesser de ou à faire telle ou telle chose. L'observation mentale sur l'ego, bien souvent, ce qu'elle fait, c'est qu'elle coupe la possibilité qu'a l'ego de s'exprimer. Sauf que si on cesse d'observer, la peur ou la problématique peut revenir. Et une chose qu'on doit savoir, c'est que l'être humain, c'est vivant. Un être humain, parce que c'est vivant, ça ne réglera jamais son problème à jamais. Mais à un moment donné, les problèmes, au milliardième de seconde qu'ils veulent apparaître, sont déjà éliminés. Donc, dans la conscience astrale ou mémorielle, l'humain ne se rend pas compte qu'il l'a réglé, mais il n'a plus peur. Mais la peur existe toujours, mais lui ne l'exprime plus. Il n'est plus inquiet. L'inquiétude existe dans sa corde astrale. Jusqu'au jour où l'humain sera suffisamment égoïsé, donc il aura suffisamment éliminé son ego, il n'aura pas d'ego. Alors là, il n'aura plus de problème. Il ne sera plus un être humain non plus. Donc, ça ne sert à rien d'intelligencer tout le temps, là. Oui, intelligencer, ça sert parce que ça instruit l'ego. Autrement dit, ça reprogramme l'ego. Et l'intelligenciation va servir surtout, par exemple, quelqu'un qui veut cesser de fumer, mais qui ne peut pas. Il ne doit pas souffrir. Parce qu'en plus de fumer, en plus, il faut qu'il se batte en dedans parce qu'il fume. Il doit intelligencer que c'est, encore un bout de papier avec du foin dedans et que c'est con. Bon, il fume, il n'y a qu'à fumer, il n'y a aucun problème. Puis à un moment donné, il ne pourra plus fumer. L'ego va avoir suffisamment été informé de l'intelligence de l'arrêt et non pas des bienfaits pour la santé, parce que plusieurs personnes fument uniquement pour se terrestrifier, pour se grounder quand on parle mal. Bon, alors donc, c'est l'intelligenciation est utile pour régler les choses. Moi, dans ma tête, je ne passe pas mon temps à intelligencer, à légiférer, à mentaliser, à astraliser, à spiritualiser, à me poser des questions, pas y répondre, pas me faire des conférences. Ça me coûterait trop cher. C'est ça, je te vois dire, tu n'aurais pas un moyen. Ça, il fallait dire avant que c'est dit. Non, je fais comme tous les êtres humains lorsqu'ils sont vivants. Je n'ai pas de problème, puis je sens bien. Tantôt, tu as dit que ton ego s'appelait Daniel, puis toi, tu ne t'appelais pas comme ça. Puis j'en ai entendu un pour se poser la question. Vu que tu ne t'appelles pas comme ça, tu t'appelles comment? Tu ne mérites pas de le savoir. Parce que c'est méritoire, la connaissance, maintenant? Non. Parce que toi, c'est encore... tu n'es pas à la hauteur de le savoir. La réponse? C'est ça. OK. Mais quand je serai à la hauteur, tu me le diras. Ah, ben oui. S'il y en a, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui est à la hauteur d'entendre la réponse? C'est facile de savoir si on est à la hauteur ou non, parce que c'est même pas insultant. Il y en a toujours qui prennent ça comme une insulte. C'est pas une insulte. De dire à quelqu'un, ben, docteur, est-ce que je suis guéri? Pas encore. Ouh, dis bien insultant, lui. Bon, on peut évidemment se compter des ballons régulièrement, puis je pourrais te compter 156 pipes. Je peux être transparent simplement, t'es pas encore à la hauteur de. Quand vais-je être à la hauteur? Quand tu vas le savoir, mon nom? C'est extrêmement simple. Puis là, tu peux poser la question. Mais le nom que je vais savoir, est-ce que c'est le même nom que lui va savoir? Non. Peut-être deux noms différents, ça va être le mien. On a-tu tous des noms en dehors de nos égaux? On a tous d'autres noms. Il y a le nom que les parents ont donné, puis j'ai déjà dit souvent que les parents doivent baptiser, donner un nom à leurs enfants quand ils voient la face de l'enfant. T'sais. On va l'appeler Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre, machin, a compté le dernier but du Canadien quand il a gagné. Fait que si c'était un gars, ça s'appelle Pierre. Franchement. Bon, comme il y en a un, justement, de mes amis qui est mal pris, parce que ses deux fils ont des noms, mais le plus jeune porte le nom du plus vieux. T'sais? Alors, en réalité, il s'appelle Pierre, mais le plus vieux qui s'appelle Marc, c'est Pierre. Mais c'est lui qui s'appelle Pierre. Mais c'est lui, Pierre. C'est parce qu'il avait choisi le nom avant de les voir. Avant de le voir, ben, ils n'ont pas vu les deux en même temps, il y en a un plus vieux. Ça n'a pas ajusté. Alors, ce qui arrive, c'est que puis, le nom, qu'est-ce que c'est? Quand on dit, par exemple, à quelqu'un, « Hey, Ticoun! » Ça, c'est un surnom. Le surnom, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il oblige l'individu à devenir Ticoun. Ticoun, c'est un égrégore. Bon. Alors, quand tu dis à quelqu'un, « Hey, Joseph, viens donc ici. » Ah, oh, pas tout de suite. « Oh, Ticoun, viens ici. » Bien, là, Ticoun, il vient, lui. Pas de problème, il vient. L'autre façon de manipuler, ça va être les parents, par exemple. « Pierre, viens ici. » Ah, oh, pas tout de suite. « Pierre Villeneuve, viens ici. » Bien, là, la gang, elle vient au complet. Parce que là, tu ramasses ta famille avec le nom Villeneuve. Bon. Ils amènent tout. Ça, c'est le nom de l'ego. C'est le nom de ce qu'on va former, c'est le nom de celui qu'on a puni, celui qu'on a réprimandé, celui qu'on a culpabilisé, celui qu'on a récompensé. C'est le nom de la mémoire de l'humain. Comme je dis de temps en temps, vous passez dans le métro de Montréal, puis il y a quelqu'un qui joue de la musique, puis qui vous demande le monde, vous le regardez, vous continuez. Mais si vous aussi connaissez votre nom, vous direz Charles, de moi au moins 25 cents. Avec ton nom, il te ramasse comme il faut, il va avoir même une pièce. Bon, le nom, c'est la clé de l'ego. À un moment donné, il y a aussi une vibration autre que l'ego, que l'humain a. Puis c'est mon nom. Mais est-ce que celui qui porte le nom, on a tous des noms différents, est-ce qu'on peut avoir plusieurs noms? Ton langage est faux, parce que quand tu es suffisamment vibrant, tu ne portes plus de nom. Les autres te donneront un nom. Ils le porteront pour toi. Les extras et les intraterrestres ont-ils quatre dimensions dans leur plan? Hauteur, largeur, profondeur et temps. Oui. Même chose que nous autres. Oui, sauf qu'ils n'ont pas des dimensions matérielles, aussi matérialisées, aussi densifiées que les nôtres dans la majorité des cas. Mais ils ont quand même une profondeur, une largeur, une hauteur et un déplacement temporel. Est-ce que ceux qui seront transportés auront aussi quatre dimensions? Ils auront quatre dimensions, mais dans leur conscience, ils pourront atteindre d'autres dimensions. Lesquelles? La cinquième, la sixième, la septième. On ne peut pas te dire ce que ça donne, parce que prenez l'exemple, j'explique souvent, avant la Renaissance, les individus dessinaient en deux dimensions. Alors, les maisons étaient toutes aplaties, puis les bonhommes, tout pareil, puis quand c'était loin, c'était à la même grandeur, c'était à deux dimensions. Leur conscience ne peut pas non plus faire de la philosophie à trois dimensions. À un moment donné, les personnes ont commencé à découvrir qu'il y avait effectivement une profondeur, donc même dans les tableaux, donc il y avait une troisième dimension. En philosophie, progressivement, on a commencé aussi à voir une envergure qui avait une profondeur dans ce que l'on disait. On appelait cela de la subtilité chez les mots. On était capable de dire, entre le noir et le gris, entre le noir et le blanc, il y avait le gris, puis entre le gris et le noir, il y avait d'autres couleurs. On était capable de parler, par exemple, de différentes formes d'amour, de différentes formes de plaisir. On commençait à avoir une profondeur. L'être humain va aussi développer une autre dimension à un moment donné, qui sera, on parle de cinquième, c'est pas une cinquième en réalité, parce que c'est la fusion des quatre premières dimensions. Donc, l'évasion du continuum temporel, c'est-à-dire qu'on ne sera plus pris à penser dans le passé, dans l'avenir, dans le présent. Parce qu'il y a 13 dimensions qui sont présentement résumées dans les quatre dimensions que l'on connaît. Mais en connaissant la cinquième, ou en ayant accès à la cinquième, on va fusionner les quatre premières? C'est-à-dire que la cinquième, c'est une compréhension... Elle englobe les quatre premières? Elle englobe les quatre premières, mais dans une compréhension dans... qui permet à l'humain d'échapper à la limitation de conscience et progressivement matérielle que les quatre dimensions que l'on connaît nous obligent. Quand on parle de la vitesse de la lumière, 299 792,5 km à la seconde, la vitesse de la lumière, c'est dans le continuum actuel la vitesse maximum que peut atteindre un corps, disons pas un corps, un système énergétique, les corps n'y arrivent pas, c'est la vitesse maximum. Sauf que c'est la vitesse maximum uniquement parce qu'elle est limitée par les quatre dimensions. Mais ce n'est pas la vitesse maximum que peut atteindre un phénomène énergétique ou supra-énergétique. À l'extérieur des quatre dimensions, par transport séraphique, l'humain va beaucoup plus rapidement que la vitesse de la lumière, qui finalement n'est pas si rapide que ça, elle est limitée dans le temps. Est-ce que dans l'astral, dans un voyage astral, le déplacement est plus rapide que la vitesse de la lumière? Non. La même chose ou moins? Même chose. Quand un médium entre en contact avec des entités supérieures, qui sont-ils? Les médiums? Les entités supérieures, j'imagine. Bon. Ça m'arrive d'imaginer. Les entités supérieures, ce sont des entités qui sont supérieures uniquement parce que le médium est un médium. Les médiums, c'est bien. Parce qu'ils ne sont pas supérieurs, c'est des entités. Le médium entre en contact avec une entité supérieure parce que l'entité supérieure n'a pas la capacité d'entrer en contact avec le médium. L'entité supérieure n'a pas la capacité d'intervenir dans le plan planétaire et a besoin d'un médium. L'entité supérieure, c'est de la mémoire d'être humain dans le monde de la mort. Et comme je disais la semaine dernière, l'humain fait souvent plus confiance à ce qui est mort qu'à ce qui est vivant. Donc, il va faire confiance. Bon, demandez conseil à votre père. Le père, le bonhomme, là. Le bonhomme, il est mort. Tu fais du Ouija, puis le bonhomme, il vient te dire, va là. Hey, tu y vas en maudit, hein? Mon père me l'a dit. Mon père qui est mort me l'a dit. C'est ça. Le bonhomme, quand il est vivant, là, faut rien à faire avec ça. Mais quand il est mort, hey, là, il faut l'écouter dans ta barouette. Il faudrait que je fasse à croire à mes enfants que je suis mort, puis faire des cassettes. Faire le ménage, de les tiens, ils sont pas. Peut-être qu'ils t'écouteraient pas. Bon. Puis faire le ménage, ça te passait. Tes chemises seraient brûlées, mais ils feraient leur passage. Alors, ce qu'il faut comprendre, donc, les médiums, quand ils rencontrent des entités supérieures, ils rencontrent des mémoires de l'être humain placées dans les hautes sphères spirituelles du monde de la mort. Mais l'être humain est plus puissant que cela. Mais l'être humain a de l'ego. Pourquoi l'être humain rencontre-t-il des entités supérieures? Et on va dire, j'ai rencontré un maître, bon, parce qu'il y a plusieurs, maîtres, apparemment, qui flottent un peu dans le monde, dans le monde de la mort, dans le ciel, dans ces choses-là. Vous êtes l'entité supérieure mélangée à l'entité médium, mélangée à l'entité basse. Tout ça, c'est de l'ego, c'est chez l'homme. Alors, quand l'homme ou la femme ou l'enfant entre en contact avec uniquement la partie haute, bien, quand il la voit, il dit « crime impur, imparfait ». Puis quand il se compare, il dit « ben, ouais. Mais ça, ça rentre en contact avec ta partie haute, égale à la sienne. Mais l'être humain, dans sa mémoire, considère aussi que de temps en temps, il fait des vols, il fait ci, il fait ça. Bon, l'entité ne fait pas ça. L'entité, c'est un maître. Mais l'entité, c'est la tête de l'homme sans le reste de l'homme. Donc, pour l'humain qui rentre en contact avec, il est convaincu qu'il est supérieur. Ce n'est pas supérieur, ça n'a même pas la capacité de bouger un verre d'eau. On va dire, de temps en temps, il y a des médiums qui arrivent à attirer, puis l'entité commence à apparaître, puis l'entité fait des bruits. Oui, l'entité prend l'énergie vitale des corps physiques de l'humain. Avec l'entité vitale, il crée un ectoplasme. L'ectoplasme, c'est ce qui commence à apparaître. C'est génial, ça coule partout, puis c'est gluant, c'est franchement. Il n'en faut pas grand-chose. À un moment donné, ça fait bouger un verre d'eau, ça le fait trembler, ça fait sauter l'eau. Puis là, sur un papier, ça écrit en lettres de cendre ou de feu, allô. Crème, j'ai écrit plein de livres, moi. Je sais qu'il y a qu'à l'eau. À l'ordinateur, là, pour ça. Ben oui. Mais l'humain, parce que l'humain n'est pas capable de faire la même chose, il le vénère. Prenez n'importe qui d'entre vous, allez-vous-en. J'ai été en Amazonie, dans des peuplades intéressantes, pas sauvages, mais autochtones. On prend juste une montre bracelet, le tnit, avec le chronomètre, le ci, le ça, me donne ma pulsation cardiaque. Ils sont tous à genoux. Mais je suis un être humain comme eux autres, j'ai rien qu'à leur donner la montre, ils vont être aussi bons que moi. Mais de ça, ils ne le savent pas. Puis la visualisation qu'ils peuvent avoir de nous ici en tant que divinité évoluée, c'est effarant. Mais s'ils savaient, on fait des montres. Mais on continue à chasser. Est-ce que les guides spirituels existent? Les guides spirituels existent. Et à un moment donné, les guides spirituels vont réussir à rencontrer leur Dieu. L'homme qui n'aura plus besoin des guides spirituels. Ils servent à quoi en attendant les guides spirituels? Ils servent à obliger l'humain. Ça dépend des guides spirituels. Il y a les maîtres du monde, il y a les guides de lumière, puis il y a les guides spirituels. Lesquels tu comprends? Les guides spirituels, pour commencer. Les guides spirituels, c'est des parties mémorielles de l'homme, de la femme et de l'enfant. C'est des parties réincarnationnelles du milieu familial en harmonie avec ce qui constitue l'humain et qui, de temps en temps, descend par le canal réincarnationnel dans l'âme et ça vient communiquer un peu avec l'humain. Ça guide l'humain. On parle spirituel parce que spirituel vient du phénomène esprit, spirit, esprit, mais en réalité, c'est pas spirituel, c'est amique, c'est l'âme, c'est pas de l'esprit. On parle quand même de guide spirituel. Donc, les guides spirituels, ça existe, effectivement. Rentrer en contact avec eux, c'est se parler à soi-même. Et effectivement, ça va aider. C'est comme si, bon, l'ego de l'humain, c'est plus reconstitué. On en a parlé souvent. Il y a une partie qui se nourrit de la peur, du plaisir, de la gêne, des victoires, des échecs, etc. De la présence de sa femme, de son mari, de ses enfants. Et quand si la femme s'en va, ben l'ego du mari souffre parce qu'il y a une partie qui se nourrissait de la présence de la femme qui commence à mourir, peut plus se nourrir de la femme, peut-être avec une photo, au téléphone, etc. Mais c'est que la personne est décédée, ça souffre un bout de temps. Quand la partie suffisamment disparue, l'ego cesse de souffrir, il peut tomber en amour avec une autre. Il va s'en rappeler événementiellement parlant, il va se rappeler de sa femme et il souffrira plus. Bon, il n'y a plus besoin de s'en nourrir. Vu que l'ego est plus reconstitué, il y a des parties de chaque être humain qui sont pacifiques, qui sont humbles, qui sont aussi évidemment tout l'inverse, mais il y a des parties qui sont évoluées, en ce sens, qui ont mémorisé de l'écologie. Alors, être humble, c'est écologique. Pas être modeste et s'en vanter, mais être simplement ce qu'on est. Si quelqu'un me dit « Es-tu un bon coureur? » Je lui réponds « Oui, je suis un très bon coureur. » Je suis humble. Parce que je te dis la vérité. S'il me dit « Cours-tu plus vite qu'un cheval? » Non. Ben, ça dépend du cheval. Ça dépend à quel bord il va. Vu qu'il y a plusieurs morceaux dans l'ego, à un moment donné, il y a une partie de l'ego, celle qui est centrée, le centre de l'ego, celle où on est totalement identifié, qui elle jase avec les parties spirituelles de notre ego, la partie humble de notre ego. Fait qu'à un moment donné, ça va être coup de bain, Daniel. Tu pourrais te calmer un petit peu. Tu pourrais être plus humble. C'est un guide spirituel. Ah oui, c'est vrai. Ça, je pourrais faire ça. Bien sûr que tu peux faire ça, Daniel. Ah, ça me fait d'aller. Ça, c'est une partie que nous aurons parlé avec nous-mêmes. Puis un guide de lumière, c'est quoi? Un guide de lumière, c'est une entité astrale qui, elle, manipule les individus de façon à forcer les individus à vivre des choses que le bonhomme ou la bonne femme, que le personnage vivait dans son corps avant de mourir, et lorsqu'un individu vit suffisamment les mêmes choses, dans sa sécrétion, dans l'expression de l'émotion, dans sa sécrétion hormonale dans le corps physique, il nourrit le guide de lumière. Les guides de lumière, c'est des phénomènes qui manipulent l'humain uniquement pour eux, et qui sont extrêmement péniblement dangereux de temps en temps, c'est-à-dire qu'un guide de lumière se présente toujours en jaquette blanche, super beau et très lumineux, Puis si tu peux l'écouter, bien, progressivement, il peut devenir extrêmement noir, extrêmement diabolique. C'est un guide de lumière qui se fait souvent passer pour Dieu, qui va manipuler une personne, par exemple, à rentrer dans telle ou telle secte religieuse. Puis 3-4 ans après, bien, il tue sa femme et ses enfants au nom de Dieu. C'est un guide de lumière qui l'a rencontré. Jim Jones, qui a terminé son épopée à Johnstown il y a quelques années en massacrant 953 personnes, lui aussi a rencontré un guide de lumière. Les guides de lumière ne mènent pas tous là, non, parce que souvent on les abandonne en cours de route. Puis les maîtres du monde, c'est quoi? Les maîtres du monde, c'est des personnages qui, à un moment donné, ont eu énormément d'égo et ont eu un contact supramental, donc ils sont entrés en contact avec de l'information neuve. Ils sont venus des informateurs, donc des antennes supramentales planétaires. Leur égo a fait en sorte qu'à un moment donné, ils sont devenus des MTS, des martyrs de transition supramentale à cette époque-là. Ils sont morts, ils sont trop évolués, ils ne peuvent revenir dans des corps physiques présentement. Par contre, ils sont trop évolués, ils n'ont pas la capacité de dissoudre leur ego sans le corps physique, quand c'est un égoïste uniquement si on est vivant. Alors, ils manipulent en grande partie par la Gartha ou Shambhala, entre autres, en contact avec d'autres phénomènes extraterrestres, une partie de l'humanité, pour que l'humanité évolue de plus en plus rapidement. C'est donc les maîtres du monde qui vont engendrer la Deuxième Guerre mondiale, pour forcer, bon, j'ai souvent expliqué, pour forcer l'humain à mélanger les races, entre autres, puis plusieurs autres choses, à couper l'alimentation d'un égrégore juif pour permettre à l'intelligence supramentale de descendre aux États-Unis, alors que dans le passé, c'était les juifs qui l'avaient eu par le Nazaréen et le Baptiste. Alors, les maîtres du monde font cela, font tout pour que l'humanité évolue jusqu'à un certain point. Puis quand un être humain arrive à ce niveau-là, il ne faut pas qu'il avance. Lui, il doit rester à ce niveau-là. Plus il y aura d'humains à ce niveau-là, plus l'humain sera capable de générer une forme d'énergie qui pourra permettre à ces maîtres du monde-là de pouvoir se libérer de leur ego et sacrer leur camp. Ce que l'humain veut faire aussi. Sauf que quand l'humain arrive à ce niveau-là, il arrive normalement individuellement. À ce niveau-là, il veut continuer. Là, les maîtres du monde commencent à tout faire pour l'empêcher d'avancer. C'est avec un bout de temps et ça devient satanique par la suite. Est-ce qu'il se réincarne dans ces corps physiques-là, de ceux qui arrivent à ce niveau? Non, il ne se réincarne pas dans le corps physique. Celui qui arrive à un niveau intéressant, il est devenu trop puissant maintenant. Il ramasse l'ego de ces gens-là? Si un maître du monde vient à l'intérieur, le maître risque de se faire digérer par l'individu, ne pourra pas digérer l'individu. Les maîtres du monde ne veulent pas se réincarner dans les individus. Ils veulent que l'humanité arrive à un certain niveau d'évolution pour planter suffisamment la mécanique astrale pour permettre à ces maîtres du monde-là, il y en a quelques-uns, il n'y en a quand même pas trop, de se libérer de leur ego. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'humains capables d'absorber l'ego des maîtres du monde, leur anti-homme, pour qu'eux puissent s'en aller. Mais ça ne fonctionnera pas. Est-ce qu'ils sont rattachés au faisceau de Lazare? Plusieurs, mais pas tous. Pourrais-tu décortiquer la différence de niveau entre le corps physique, l'âme, l'ego et l'extraterrestre? Oui. Fais-le donc. Bon, l'extraterrestre et l'homme, c'est la même chose, sauf que l'extraterrestre vit ailleurs que sur le plan planétaire. Alors, je redonne une explication que j'ai déjà donnée, c'est la plus facile. De l'énergie, on sait ce que c'est. De l'énergie dans le temps, on ne sait pas trop ce que c'est. On sait que c'est de la matière. L'énergie, lorsqu'elle entre dans le temps, je passe des petits détails, elle finit par arrêter à un niveau de vibration qui est de la matière. La matière n'existe pas. La même énergie, lorsqu'elle arrive dans la même région spatio-temporelle, elle arrête sur la matière. C'est l'énergie vitale. Et là, elle révèle la matière. C'est l'énergie intra-atomique qui permet à la matière de conserver sa forme, sa mémoire, les buts de la mémoire. La même énergie, lorsqu'elle arrive à côté, elle devient encore de la matière. La même énergie, lorsqu'elle arrive sur l'énergie vitale, elle devient de la matière capable de conserver de la mémoire événementielle. Ça devient de l'astral, de la psychologie. La psychologie, c'est la relation qui existe dans l'âme entre la mémoire, le désir et l'émotion. C'est la psychologie. Bon, c'est l'âme. La même énergie, elle continue à descendre. Lorsqu'elle arrive sur une âme, de l'énergie amique, elle arrête à un niveau supérieur, et c'est ce qui va devenir l'intellect, le mental naissant, et par la suite, le mental. La même énergie continue à descendre lorsqu'elle arrive sur du mental, c'est de l'énergie supramentale. Comme je le dis souvent, lorsque Dieu veut parler à un chien, il descend au niveau du chien et Dieu aboie. Pourquoi? Lorsque on dit l'intelligence devrait nous dire quoi faire, mais quand elle descend à notre niveau, ben, elle nous le dit comme on le comprend, on ne le comprend pas plus. Mais plus on va cumuler de l'énergie, l'évolution nous permet cela, ben, à un moment donné, on comprend plus. On dit souvent les personnes âgées peuvent être plus sages. Elles peuvent avoir plus d'expérience, mais elles peuvent aussi avoir cumulé plus d'énergie. L'extraterrestre, c'est la même chose qui s'est passée ailleurs. Sauf que l'extraterrestre, lui, il a tout ce qui a été vécu en termes de création, de corporification, c'est fait dans un monde qui n'est pas aussi refroidi que le monde planétaire. Dans des contextes planétaires ou solaires qui sont en phase de refroidissement. Les extraterrestres, comme toutes les mécaniques extraterrestres, sont en phase de densification, bref, d'évolution. L'humain, lui, était très évolué, il est passé là, on appelait ça la chute pour que l'humain reste sa planète Terre, c'était coupable, reste là. Mais c'est vrai un peu, c'est-à-dire que les corps physiques ont été créés à même des mécaniques lucifériennes. Qui viennent des Elohim, donc des bannis, entre autres au niveau des extraterrestres par les mélanges génétiques. Maintenant, ce qui arrive, c'est que les extraterrestres, entre autres, leur génétique tend à se densifier. Se densifiant, ils perdent les capacités qu'ils ont. Alors que l'être humain, lui, sa génétique tend à évoluer. Elle est maintenant fusionnelle. Alors que les extraterrestres sont effusionnels, ils descendent. Leur avantage est de s'associer à l'être humain qui est montant, se fusionner à lui pour ne pas descendre dans la matière. Alors, l'extraterrestre, comparativement au plan mental, astral, etc., de l'être humain, c'est ça. L'extraterrestre, normalement, n'a pas d'astral. Mais lorsqu'il rentre dans le contexte planétaire, il devient vite astralisé. L'extraterrestre, normalement, n'a pas de corps physique. Mais dans le contexte planétaire, il s'en crée un. S'il reste trop longtemps ici, il le densifie, il devient un crapaud. Et plus l'extraterrestre va aider l'humain à évoluer, moins lui va descendre. Il va arrêter à un niveau oui, plus haut. Oui, sauf que l'extraterrestre devra accepter l'idée que c'est l'homme, la femme et l'enfant humain qui resteront les maîtres contrôleurs, même s'il y a une association avec l'extraterrestre. Ça, ils accepteront pas ça. C'est pas des humains. Tant que l'extraterrestre n'est pas dans le contexte planétaire, il l'accepte. C'est pourquoi que l'intelligence supramentale l'accepte facilement, parce que l'humain, par son canal, par l'ajusteur de pensée, traverse le monde de la mort, traverse l'inconscience mémorielle de l'homme, et il joue dans l'extraterrestrialité. Donc, il a un contact avec l'extraterrestre, qui est l'intelligence supramentale, qui, elle, n'est pas colorée par de l'ego, n'est pas colorée par de la mémoire, n'a pas de désir, n'a pas d'émotion, est instantané, donc spontané, et amène du neuf en fonction de ce que l'humain a besoin. Si l'extraterrestre est à l'extérieur du plan terrestre, est-ce qu'il y a de l'ego? Non. Donc, ça veut dire que si on résorbe tout le monde astral, à ce moment-là, la discussion entre l'humain et l'extraterrestre pourrait être... Mais c'est, quand les gens parlent d'apocalypse, c'est de ce qu'ils parlent, la dissolution totale du monde de la mort. L'individu qui se suicide ne pourra pas gagner le monde de la mort, c'est ce qu'il dit. Ceux qui voudront la mort ne la trouveront pas. J'ai déjà expliqué c'était quoi. Tu te suicides, tu te réincarnes immédiatement chez les autres, donc tu es encore en vie. Il n'y aura plus de monde de mort, de la mort à un moment donné, parce que certains personnages, plusieurs milliers, seront capables de ramasser l'énergie placée dans le monde de la mort. Le Nazaréen parlait de mettre son trésor dans le ciel c'est le monde de la mort. Alors cette énergie sera ramassée à un moment donné et servira certains individus servira l'humanité à restaurer des choses. Et nécessairement, l'humain ne trouvera pas la mort. Pourquoi de vieilles âmes se réincarnent et d'où viennent-elles? Il n'y a pas de vieilles âmes. Ce sont des mémoires, ce qu'ils font. Donc, il y a des choses que c'est un peu long à expliquer. Mais lorsque l'être humain gagne le monde de la mort, lorsque l'être humain meurt, qui se passe dans le monde de la mort, ce n'est pas exactement comme l'humain le conçoit. Lorsque l'humain vient au monde, ce qui se passe aussi à sa naissance, ce n'est pas non plus comme l'humain le conçoit. Il n'y a pas une théologie ou une explication philosophique qui explique clairement ce que c'est. Chacun en explique une partie. C'est relativement vrai, mais il manque tellement d'informations qu'on peut considérer que c'est faux. Parce qu'on ne dit pas suffisamment. Ces mémoires, ce sont des mémoires qui ont toujours existé, qui ont nourri les théologies, qui ont nourri les idées des saints, Saint-Joseph, etc., qui ont nourri plusieurs phénomènes religieux, théologiques et philosophiques sur la planète. Donc, ils ont toujours été là, entretenus. Et à un moment donné, il y a des corps physiques capables de supporter une grande partie de ces énergies. Alors, il y a des individus, à un moment donné, qui réincarnent totalement ces parties-là. Alors, ce ne sont pas des vieilles armes, parce qu'on dit que ça fait 2000 ans. Ça fait 14 milliards d'années que les systèmes solaires existent. Des jeunes poponnes. Pouvez-vous nous décrire la vie à l'intérieur d'un vaisseau galactique? Ça ne servirait à rien. C'est pour ça que je pensais te dire. On peut en parler longtemps, on pourra faire un petit tour. Du fait que j'ai été envahi il y a plusieurs années par une énergie étrangère à moi, nuisible, qui me fait souffrir, dont j'ai failli mourir, que je contrôle mais ne réussis pas à expulser, est-ce que je pourrais quand même aller là où je vais, faire ce que j'ai à faire? Je suis venu pour ne pas revenir, selon moi. Moi, je n'ai pas à répondre à ce genre de questions. C'est évident que ce qui, chez l'humain, l'oblige à rester un animal, c'est échapper quand la caravane passe, le syndrome de l'électron, donc vous perturbez par ce qui est autour de lui, là. Ça n'est pas transportable, ça ne vient pas. C'est pas... Le mari se dirait, est-ce que ma femme va venir? Ta femme ne viendra jamais. La femme se dit, ce que mon mari et mes enfants vont venir? Ils ne viendront jamais. Si tu t'appelles Pierre et qu'elle s'appelle Marie, si Pierre va, Marie va peut-être aller, mais Pierre ne peut pas dire, ma femme vient. Sa femme va rester sur la planète Terre. Et vous devez comprendre la subtilité de la chose, c'est que vous, comme par exemple mes enfants, si les enfants qui sont là sont aptes à y aller, ils ne peuvent pas t'appartenir. Alors finalement, une personne spirituelle va dire, oui, mais ça revient à la même chose, on était toute la gang dedans. Non. Toi, t'es pas dedans. Il n'y a pas de gang. C'est des individus. Tu sais, on reste, oui, mais bonjour, machin, oui, je te présente ma femme. À un moment donné, ça n'ira plus, ça ne peut pas aller. Ma femme, mes enfants, mon ami, je possède tout ça, je suis riche. Et on va dire, c'est une façon de parler. Essayez de trouver une autre façon de parler pour désigner la même chose. Alors, bonjour Pierre, ça c'est José, ça c'est Gloria, ça c'est Sylvie, ça c'est... voilà, comme ça. Et mieux encore, c'est que tu te présentes, puis l'autre, il se démerdera. Ou qu'on change toute ta femme, puis là, quand on se rencontre, tu dis bonjour, je te présente ta femme. C'est une possibilité, mais tu vas rester dans un vaisseau très planétaire. Oui. La personne, c'est ça, la personne, je n'ai pas à répondre pour la simple raison qu'elle a besoin de confirmation, elle a suffisamment de connaissances, elle a suffisamment d'énergie. Il reste encore quelques années, quand même. Et puis, je ne peux pas dire à un individu, toi, tu vas être capable. Juste le dire, c'est assez pour qu'il ne soit plus jamais capable. Pourquoi? Parce qu'il ne soit pas capable de se prendre en main. Il va vouloir que je le prenne en main. Et je ne veux pas m'entourer. Il y a tellement de personnages qui ont eu la parole, qui se sont ramassés, qui n'ont jamais eu d'amis, qui n'ont eu que des disciples. Et ces disciples, c'est toujours c'est pas intéressant, c'est pourri. Et... Vouloir être transporté aussi, c'est dans le même phénomène que ce que tu dis là. Si tu le veux égoïquement, ben tu peux pas l'être. Oui. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les parties de l'ego qui veulent être transportées sont celles qui vont rester ici. Et c'est ce qui crée la souffrance à un moment donné, c'est que la personne sait qu'elle peut peut-être être transportable. Transportable, on s'en fout, on parle conscientisable. Là. La personne peut être conscientisable, mais en même temps, elle ne peut pas. C'est ça. Il y a des parties de nous qui devront changer. Et là, on va dire, oui, mais... Moi, l'ego, je ne veux pas mourir. Vous allez vous inscrire dans une colonie de vacances et on accepte 12 ans et plus. Il y a un enfant qui a 11 ans. Ouais, mais moi là. Mais un jour, tu auras 12 ans. Oui, mais je ne serai plus l'enfant à 11 ans. Non, c'est évident. Je vais être mort. Oui, mais non. Tu ne seras plus l'enfant à 11 ans, donc l'enfant à 11 ans sera mort. Tu seras l'enfant de 12 ans, mais on n'aura jamais tué l'enfant d'11 ans. Il sera intégré chez toi, mais il ne sera pas l'enfant d'11 ans. Donc, il sera mort, mais il ne sera pas mort. Et ça, c'est des choses que l'humain a de la difficulté à comprendre, que les égos humains ont de la difficulté à comprendre. Parce qu'il n'y a pas un de vous autres qui allez y arriver, mais vous allez probablement tout y être. Alors, il n'y a pas de choix à faire, mais à un moment donné, il faut que l'humain tranche. C'est-à-dire, il faut qu'énergétiquement, ça tranche chez lui. C'est ton ego qui te domine ou c'est ton intelligence qui te domine, un ou l'autre. Tu es l'être qui ne souffre pas, qui traîne la souffrance avec lui, ou tu es l'être qui souffre, qui traîne l'intelligence avec lui. À un moment donné, il faudra que quelque chose détermine qui devient le maître contrôleur. C'est pas un choix. C'est de trancher énergétiquement. Parce que le choix est déjà fait. La personne qui est tiraillée, le choix est fait. C'est l'autre bord. C'est vers le neuf. Mais ce n'est pas appliqué. Alors, on doit trancher énergétiquement. Mais le choix est déjà fait. Énergétiquement. Trancher énergétiquement, ça veut dire appliquer la chose. Quelle est la cause du somnambulisme et quel est le remède? Ah, ne pas dormir. Le remède, c'est dormir? Non, ne pas dormir. Voilà. Tu ne touches pas trop à son enfant. Ben, dans un autre point de vue, effectivement, c'est d'essayer de dormir. Le somnambulisme, qu'est-ce que c'est? C'est plusieurs choses. L'individu se couche et il s'endort. Une partie de sa conscience s'extracorporise, donc on appelle ça un voyage astral, c'est une extra-conscientisation astrale, ça sort. Ça ne va pas loin. Ça reste en contact avec le système nerveux de l'être humain. Et là, à un moment donné, ben là, l'ego décide d'aller dans la cuisine. Fait que là, il lève le corps physique, puis il l'amène dans la cuisine. Le somnambule, il ne se frappe pas sa porte, donc l'ego est là pour voir. Fait qu'il ouvre la porte, s'en va. Mais les yeux peuvent même être fermés, normalement, ils sont ouverts. Et l'individu s'en va, mais il dort totalement, c'est-à-dire que c'est un zombie. Mais c'est pas un zombie dangereux. L'ego est là, à côté. Par le canal réincarnationnel que certains appellent la corde d'argent, bon, il est en contact avec et il le dirige. Alors, il tombe pas dans les escaliers, il ne s'est pas frappé, il n'y a aucun problème. Il le réveille brutalement, qu'est-ce que ça fait? Ça fait « Puis habituellement, les égaux et les corps physiques ont de la difficulté à se réveiller, à recevoir un corps astral trop rapidement chez eux. Bien souvent, ils rentrent mal. Donc, la personne peut avoir mal à la tête, avoir mal au cœur, il peut avoir, en tout cas, plusieurs choses peuvent se passer. Oui, elle a juste à se coucher, dormir 15-20 minutes, c'est incapable, puis ça sort. Elle sort, elle rentre comme il faut. C'est un des somnambulistes. L'autre somnambuliste, c'est que l'individu est manipulé par ce qu'ésotériquement on appelle un être contrôle, c'est-à-dire que lorsqu'elle dort, une partie de l'ego quitte donc gagne le monde de la mort, ce paradis, et il y a des mécaniques astrales qui, par le canal réincarnationnel, dirigent le corps physique, essaient de s'emparer du corps physique, donc essaient de s'habituer au corps physique. Mais le problème qu'il y a, pas pour l'être humain, pour ceux qui essayent, c'est que ça ne fonctionnera jamais, parce que la présence de l'ego est tellement en conformité avec l'attraction du corps physique que quand le corps physique en a assez, ben l'ego revient, l'autre s'en va, puis c'est réglé. Mais c'est une forme de somnambulisme. Par contre, celui-ci est un peu plus dangereux, ce somnambulisme-là peut avoir des accidents. Mais c'est très, très, très rare qu'on le suit là. Habituellement, c'est simplement que la personne la voyage à côté de son corps physique. Mais pourquoi l'ego fait ça? banane, ta première réclame. C'est un imbécile, il n'y a aucune raison de pourquoi il fait ça. Il y avait le goût d'aller dans la cuisine, c'est tout. Là, il y avait un gars chaud, là, t'as vu? Pourquoi le gars a bu pour être chaud? Le gars n'a pas bu pour être chaud, il est chaud. Le contact avec le jumeau extra est-ce le double téléguide? Le double éthérique, c'est tout ce qui est créé à partir de la négociation de l'homme, c'est-à-dire que c'est la copie conforme de ce que nous sommes énergétiquement, sans la mémoire émotive de ce que nous sommes. L'individu qui entre en contact avec son double éthérique est donc en fusion avec le double éthérique, donc se dirige vers ce qu'on appelle avoir un corps de lumière. Ce que le Nazaréen a eu, il est disparu du tombeau parce qu'il a lui emporté son corps à sa mort, puis il a retrouvé une guenille à l'intérieur avec des traces, puis bon, etc. La personne ici, on parle de jumeaux extra, ce que c'est domitérique, ça dépend des définitions qu'on veut donner au mot. Mais présentement, planétairement, en français, le mot le plus parfait pour désigner ce que c'est domitérique. C'est un double construit à même l'énergie vitale du corps physique, donc antiquement le plan éthérique. Chez le rose quartz entre autres, on parle de plan éthérique, et chez les francs-maçons aussi, c'est l'énergie vitale, c'est la même chose. Il y a l'éthérique supramental qu'on peut appeler, c'est de l'énergie vitale extraterrestre. Alors, la constitution du double éthérique, c'est la création d'un corps similaire à ce que nous sommes, qui ne contient pas de mémoire émotive, donc est capable d'amour intelligent, donc est capable d'amour non sélectif, qui n'est pas capable de souffrir, d'aimer, qui n'est pas capable d'haïr, d'être jaloux, de s'ennuyer, de s'inquiéter, etc. C'est une partie qui entre en contact avec le plan supramental, donc qui va progressivement échapper à l'attraction du monde de la mort, et qui permet à l'individu, lorsque son corps physique meurt, de ne pas gagner le monde de la mort, donc de ne pas mourir dans le monde de la mort, parce qu'on meurt deux fois, enfin, le corps physique, après ça, on gagne le monde de la mort, et il gagne le double éthérique, donc lorsqu'il va se réincarner, il se rappellera qui il a été, ce qui n'est pas le cas présentement. Alors si on parle de jumeaux extra, on parle d'autres choses que de double éthérique. Sauf évidemment, si on veut se plaire d'appeler le double éthérique jumeau extra, mais ce n'est pas un jumeau extra. Extra est déjà un palliatif émotif qui... Quand tu parlais dans la première partie de la conférence, se rencontrer soi-même dans le jardin, est-ce que le double éthérique a quelque chose à faire là-dedans? Ou est-ce qu'il va faire quelque chose? Nécessairement, l'individu doit avoir un double éthérique pour se rencontrer lui-même dans le jardin. Si nous sommes tous un, est-ce que le vol de ma génétique par les extraterrestres ne me fait pas finalement évoluer aussi en raccourci, si ça l'empêche d'évoluer? Bon. La réponse, c'est que oui, vous avez totalement raison. Et totalement tort. Et ça fait partie des paradoxes de l'évolution. Et plus on rentre dans le phénomène de la conscientisation, plus souvent qu'autrement on rencontre des paradoxes. C'est qu'on a raison et on a tort. Et c'est pourquoi souvent les individus qui se conscientisent s'engueulent régulièrement, ne peuvent pas se sentir, pour la simple raison que les deux ont raison. Alors, mais chacun est convaincu que l'autre a tort. Mais effectivement, les deux ont tort. Mais les deux ont raison. Alors, l'individu doit apprendre à cheminer d'un point de vue à l'autre pour découvrir que tu as raison, puis j'ai raison, on a raison, puis c'est pas ça. Bon. Mais ça, il faut une conscience qui, là, maintenant, est capable d'intégrer un peu plus le phénomène des quatre dimensions. Si nous sommes tous un, si, mais effectivement, on est tous un, mais c'est faux, regardez-vous. On n'est pas tous un. C'est que cosmiquement, à l'origine et à la fin, il n'y a plus rien. Le rôle de l'homme, d'ailleurs, c'est de réussir à ramener la matière vers la lumière. Il n'y a plus rien. Il y a un. Mais c'est même pas un. L'humain appelle ça un. Trop long à dire un, c'est même pas ça. Le vol de ma génétique par les extraterrestres me fait finalement évoluer. Ce qui va arriver, c'est que l'extraterrestre, présentement, qui ramasse une génétique, ce qu'il va faire, c'est qu'il va atterrir dans la génétique. Donc, il va aller vous faire évoluer pendant quelques 2, 3, 4, 5, 6, 100 ans. Et lorsqu'il sera atterri totalement, on va recommencer. Mais la problématique, c'est que l'extraterrestre, lui, n'a pas la conscience, il va retarder. On s'en fout du retardement. L'extraterrestre n'a pas de contact avec un ajusteur de pensée. L'extraterrestre n'a pas de contact avec ce que j'appelle le plan de l'intentionnalité, qui est la partie la plus subtile de ce qui existe dans le phénomène créationnel. L'extraterrestre n'a pas accès à l'intelligence. L'extraterrestre, s'il paye une génétique, il devra suivre la courbure de l'évolution temporelle jusqu'à la finalité. Alors que si l'humain s'associe dans sa conscience avec l'extraterrestre, il serait capable de courber le temps totalement pour aboutir immédiatement. En termes de finalité cosmique, c'est la même chose. En termes de souffrance dans la mémoire, dans le temps, c'est totalement différent. Autrement dit, disons, pour Dieu, c'est la même chose, mais pour l'homme, c'est bien différent. Ce que je dis là est spiritualisé, là, mais pour que l'humain me comprenne. Parce que la souffrance, on la connaît au niveau de l'ego, mais il y a énormément de juste la souffrance dans l'absurde, c'est connu au niveau du mental. Puis il y a d'autres phénomènes comme ça qui font partie de l'irritabilité. Les différents plans sont irritables. Ils s'irritent les uns sur les autres, mais ils sont irritables aussi en fonction de leur expérience dans le contexte créationnel. L'homme n'a rien à faire dans la création, Dieu non plus, tout ce qui est là-dedans est là par accident. La mécanique humaine, elle est intentionnelle pour régler le problème. Mais ça, l'humain ne le conscientise pas à cause de son médiocrisme. L'humain regarde uniquement ce qu'il est lui. Comme j'expliquais souvent, on a le fils du roi, mais le fils du roi, il a été élevé par une nounou, qui a l'impression qu'il doit obéir la nounou. Il est le serviteur de la nounou. La nounou, va toujours lui dire, t'es rendu à 12 ans, il ne faut pas se m'oublier, tu sais, quand on va te demander du gâteau, c'est pas la même. Si le fils du roi va être le roi à un moment donné, il est totalement le maître de la nounou, il a toujours été le maître de la nounou, mais il ne l'a jamais su. Le jour qu'il va le découvrir, il faudra qu'il n'y ait pas trop d'égo parce qu'il va battre la nounou. Parce que la nounou, il va dire, « elle est en maudit. » Mais en réalité, elle n'est pas laide, c'est une nounou, puis elle est bâtie comme ça, puis elle faisait ce qu'elle avait à faire, puis etc. Elle n'avait pas confiance au roi, elle avait peur que le roi l'oublie. Et elle a tout fait pour que le roi pense à elle, mais le roi a pensé à elle, mais le roi s'est libéré d'elle, alors là, la vision qu'il a d'elle n'est pas la même. L'humain, c'est un peu la même chose. Quand tu parlais dans la première juste part, une chose. Oui. Quand on parle des dieux de colère et de vengeance, il y en avait plein dans le passé avec leurs armées et tout ça. Tu dois craindre ton dieu. Pas l'aimer, le craindre. Parce que l'humain a évolué, mais maintenant, Dieu est. Plus de colère et de vengeance, là, maintenant. Là. Il est aimable, lui aussi, il pardonne plus facilement que jamais. À un moment donné, il va servir l'homme aussi. C'est la nounou. Ça négocie mieux, là. C'est logique, sauf que l'humain doit être suffisamment égoïque pour être capable de comprendre la mécanique. Quelqu'un qui vient me voler, ben, il est manipulé à voler. Je ne peux pas l'haïr, je ne suis pas bâti pour détester personne. Mais en même temps, comme ça, il n'a même pas le choix. Oui, mais il n'aurait pas pu, il ne l'a pas fait. Il n'aurait pas pu. Tu sais, la personne tout à l'heure qui buvait, il n'y a rien à faire. Je n'aime pas sa présence, mais l'individu, ça n'a rien à voir. Ce qui est intelligent chez lui, il reste intelligent chez lui. Présentement, il est manipulé. D'autres personnes peuvent travailler avec lui, pas moi. Ce n'est pas une question d'amour ou de haine ou de quoi que ce soit. Ça gasse la gueule, je l'enlèverai debout, je laisserai là, ça tombe encore. Ben là, un autre pourra l'enlever, je ne ferai pas. Je ne sais pas tomber deux fois. Tantôt, tu parlais de rencontre extraterrestre avec soi-même à la fin de la première partie. J'ai pas parlé du tout. Ok, j'ai entendu ça d'abord. J'aimerais que tu élabores un peu plus par rapport à la transparence. On en a déjà parlé, mais les deux ensemble. Se rencontrer soi-même et la transparence. Quand je parle de transparence, je parle de facilité d'évolution, je parle de plaisir de vivre, je parle de plus que joie de vivre. Être transparent, ça veut simplement dire nous trahir totalement face de la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que l'on cache, et puis on le révèle. Maintenant, tout le monde le sait, on ne peut plus le cacher. Puis maintenant, quand on ne le cache plus, toutes les énergies qu'on mettait à cacher ça peuvent servir à l'évolution, peuvent servir à d'autres choses. Quand l'humain dit, quand on va confier quelque chose, ça nous enlève un poids. Ça nous enlève pas un poids, ça nous donne de l'énergie, l'énergie qu'on plaçait pour cacher. Quand quelqu'un va à la confesse, ce qu'il fait, son karma, il le répartit sur la conscience collective de tous les chrétiens. Bon, et eux paieront pour lui tout le karma collectif sur son karma à lui, mais c'est tellement dilué que ça paraît plus. Mais tout ce qu'il a fait, c'est qu'il n'a plus besoin de protéger. La transparence est essentielle. Pourquoi? Parce que c'est la simplicité simplement dans l'expression puis dans la vie. C'est la facilité, c'est l'évolution avec plaisir, sans souffrance. Avec la transparence, est-ce que tu te retrouves face à toi-même? Oui, et c'est une chose aussi qui est étonnante. Souvent, qu'est-ce que c'est? Premièrement, l'humain, il est libéré dans certaines choses, on l'inhibe. Quand il arrive au summum de l'inhibition, il est tout à fait pogné. Ça, j'ai dit souvent, plus on se conscientise, plus on devient pogné. C'est essentiel. Quand on est très, très, très pogné, maintenant, par l'intelligence, on va commencer à se désinhiber, non pas à se libérer. Et je vais te donner l'exemple. Quand l'humain est arrivé dans l'humain a amené la libération sexuelle, ben, tu couches avec n'importe qui, tu faisais l'air, on a couru avec deux, les orgies, les enfants, pas d'enfants, ça n'a rien à voir. Libération sexuelle, il fallait qu'on soit libre. Ça, c'est comme l'animal. La désinhibition sexuelle va faire que, dans un cadre très particulier, puis la sexualité ne sera pas une question de population biologique. Elle sera une question d'énergiopathie, de communication énergétique sur plusieurs plans. Bon. La désinhibition fait en sorte que l'être humain est maintenant capable de respecter. Quand tu es inhibé, tu crains autrui. Ceux qui, par exemple, sont inhibés par rapport à moi me respectent parce qu'ils me craignent. Comme dans le passé, craignait Dieu, il était inhibé. La personne qui se libère par rapport à moi ne me respecte plus. Elle me demande, bonjour Daniel, une claque, c'est bon, comment ça va? C'est le pillage de ton espace vital. La personne qui est désinhibée, elle, pourra aussi me toucher l'épaule. Mais elle ne pillera pas mon espace vital parce qu'elle saura énergiopathiquement que ça va, que le contact est convenable. L'être humain qui est transparent va vers la désinhibition. Un être humain qui est libéré n'est pas transparent. Il ne pille pas la conscience qui contrôlerait sa capacité d'être libre. Alors, il exagère. Par exemple, on se libère totalement face à l'alimentation, on mange comme des cochons, On se libère face à ceci ou cela, on se libère face à la peur de tuer. Fait que là, oui, on fait comme dans certains pays, on tue sans problème. Libérer de la peur du sang, ben là, c'est plus grave. Il y a tellement de choses qui vont arriver parce que l'intelligence ne gère pas un être humain en phase de libération. L'être humain doit donc perdre la libération, s'inhiber. Quand il arrive à un certain summum, il doit commencer à se désinhiber. Le pire des inhibitions, c'est l'inhibition face à la désinhibition. Bon. Maintenant, l'humain commence à se désinhiber et l'intelligence gère sa désinhibition. Alors, on a l'aristocratie qui apparaît, mais pas une aristocratie d'apprentissage. Je vais chez quelqu'un et je suis aristocrate. Tout est parfait. Il me reçoit, c'est parfait. Les enfants, tout est correct. Je peux me tirailler avec eux, on peut y aller. Mais ça reste aristocrate. Tu sais, je vais rouler dans la boue, je vais me relever, et ce sera aristocratique. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'intelligence qui gère ce qui se passe en termes d'expérience de l'État. Pour que l'être humain parvienne à l'aristocratie de l'État, pour que l'être humain parvienne à cette forme de chevalerie, pour que l'être humain monte là, sans qu'on ait de code d'honneur. Pas besoin de code d'honneur entre aristocrates, on n'a pas besoin de règlement. Bon, on n'a pas besoin de X, Y, Z. Un aristocrate peut emprunter la souffleuse à son voisin, mais il n'ambitionnera jamais, ce n'est pas esthétique. Puis l'autre, tu n'auras pas, pas l'impression, en me l'emporter trois fois, je peux bien aller emporter sa tondeuse. Si tu es transparent, tu vas emporter sa tondeuse si tu en as pas. Si tu n'as pas l'argent pour en acheter une, ou parce que vous, ça devient écologique de dire, bon, on achète une souffleuse à deux, c'est moi qui la paye, c'est à moi. On achète une tondeuse à deux, tu la payes, c'est à toi. Et c'est, ça devient transparent lorsque tu dis, ben, je vais aller le voir. Il me dit non, il me dit non, il me dit oui, il me dit oui. Mais pas, ben là, il me l'a emporté trois fois, je peux bien y aller. Là, t'es pas transparent, t'es un maudit menteur. T'as besoin de raisons pour te motiver à aller voir un être humain qui peut-être est suffisamment bon pour que t'aies pas besoin de raisons pour aller le voir. La transparence, c'est la capacité que tu as de laisser couler l'énergie sans qu'elle soit arrêtée par les désirs de l'ego au départ. Donc, ça te traverse librement. Alors, tu seras capable d'aimer en étant transparent. Tu offres une fleur à ta secrétaire, ta femme n'est pas jalouse. L'égrégore de couple ne vient pas s'en mêler pour vous dire, « Hey, ça, ça veut dire ça, vous devez agir comme des animaux, faire ça, puis ça, puis ça, puis te ramasser. » Peux-tu offrir une fleur à ta secrétaire? Pas dans la semaine des secrétaires. Parce que là, c'est la raison. Là, c'est idiot. Ah ben, oui, t'es assez grosse, peut-être, celle-là. T'es pas trop bien, ma femme sera pas jalouse. Ah, les mâles, là, ils sont dangereux. Il s'est fouillé, en tout cas. Tu sais, tu caches la tête, puis le reste, c'est mort. Bon, ben, bon. Faut bien des animaux humains. Bon. Alors, puis, femme, tu sais, t'aimes ton emploi, elle peut être jalouse. Mais ce que tu dis, la transparence, ça peut être vrai pour celui qui offre la faveur, pour celui qui reçoit ou pour le bon loin. Mais il faut que les trois le soient pour que ce soit vrai, ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il faut que les trois le soient, c'est évident que ça va aider. Parce que la secrétaire, lorsqu'elle reçoit une fleur, elle pense que l'homme, le patron, est en amour avec elle. Elle n'est pas transparente. Elle n'est pas capable de lire ce que l'autre fait. Puis la fleur, c'est une façon de communiquer, simplement. Il y a une relation énergétique là-dedans, c'est convenable. Comme attendre toujours la fête de quelqu'un pour lui offrir un cadeau. Si vous avez le goût d'y en offrir un, c'est pas sa fête qu'il faut lui donner, ça vaut rien sa fête. Sinon, donnez-lui un pas. Soyez transparent. Quelqu'un va dire, oui, mais on se donnera peut-être plus jamais de cadeau. Mais cessons de nous en donner, on va au moins cesser de se mentir. Puis c'est déjà beaucoup mieux. Parce qu'à un moment donné, il y a toujours la convention, bref, on est toujours mal pris avec la tradition. On ne peut pas être transparent. Est-ce que ça facilite la découverte de soi, comme tu disais tantôt, le contact avec... La découverte de soi, l'expression de soi, qu'est-ce qu'on a fout de se découvrir? On se découvre pas, on s'exprime. Découvre-toi pas, sois donc ce que t'es, puis finis ça. Se découvrir, ah, oh, je suis une perle rare. C'est bon, félicitations. Tu as Dieu en puissance! Enchanté! On peut tout faire si on veut! Génial! Qu'est-ce que t'attends? Non, on doit être. Et la transparence amène à l'égoïsation, c'est essentiel, mais on n'a pas besoin de travailler là-dessus, c'est évident. Elle amène la facilité, la libération par l'intelligence, la désinhibition donc. Ça devient génial de vivre. Présentement, l'humain vit dans le pire des mondes. Tout va pour le pire dans le pire des mondes. Sauf que c'est faisable que l'humain parvienne à être bien. Est-ce qu'en appliquant la transparence, tu transcendes tout le reste des phénomènes évolutifs? Ben, c'est-à-dire que c'est en transcendant que tu l'appliques, c'est en l'appliquant que tu transcends, c'est une mécanique qui est complète. C'est en digérant quelque chose, est-ce que je sécrète de l'acide? Oui. Mais en sécrétant de l'acide, tu gères aussi. C'est l'œuf et la poule. Non, c'est le philosophe qui pose la question. Parce que c'est les deux. La transparence est absolument essentielle, c'est sine qua non. C'est la partie parfaite de l'évolution. On parle de l'égoïsation, c'est la même chose, la forme de l'ego. Donc, on en arrive à une humilité réelle. L'homme ne sait pas qu'il est homme. À l'instant où il sait, c'est déjà un problème. Donc, l'humain ne sait pas. La vraie conscientisation n'instruit pas l'humain de son niveau d'évolution. L'humain ne saura jamais à quel niveau il est rendu. Pourquoi? Parce qu'on n'en a rien à faire. Jamais. Quand une personne pose la question à un maître, « Maître, quand serai-je aussi évolué que vous? » Mais quand se posera plus de questions idiotes comme ça? Ça fait partie du questionnement du disciple. La transparence est extrêmement simple parce que vous êtes... L'humain a tellement peur de tout. L'humain a peur. Que connaissez-vous de vous? Probablement ce qui est brûlé. La personne se dit, crime, si je suis transparent, ils vont tous voir ça. Mais non, la transparence va révéler justement ce qu'on ne voit pas. C'est ça qui aura une problématique à un moment donné, parce qu'une personne qui est transparente, elle va commencer à rayonner. Si elle commence à rayonner, elle va forcer les autres à la transparence. Et les autres égaux ne veulent pas. Comme tout à l'heure, tu dis, ta secrétaire ou ta femme, prends l'exemple de femme, parce que là, je parle à un homme. Mais c'est la même chose. Une femme patron donne une fleur à un homme, on aura le même problème. Son mari va être jaloux, le bonhomme peut penser que la fille est en amour avec. Ça peut être ça. Mais dans l'idée de transparence, la question que je pose de temps en temps, moi je connais la réponse, mais toi tu ne connais pas. Je ne l'ai pas fait souvent. Est-ce que c'est possible qu'un homme et une femme soient amis sans tomber en amour? Je te dis non. C'est ça. Mais oui, c'est possible. Ça ne veut pas dire que c'est arrivé, mais c'est possible. La transparence, elle permet à l'humain de totalement, non pas évoluer, mais de totalement être accompli. L'évolution, c'est parvenir à la transparence. Et on parle souvent des exemples d'affaires. Bon, je n'ai pas suffisamment de produits pour vous les livrer vendredi. Mais si je dis ça au gars, il va canceller la commande. Dis-le, quoi. Mais oui, mais c'est bien mieux si je lui compte, ça se soit diplomate, perdez-en d'énergie, perdez-en du temps, liez-en du seul estomac. Puis à un moment donné, la personne se rend compte que tu l'as massé 4-5 fois. Puis elle planche. Puis encore pire, la personne le dit crier, puis elle n'a rien qu'à le dire. Et là, en plus, tu perds un ami. Mais non, tu lui dis, oui, mais c'est cancel. Qui cancel donc? La vie va continuer, puis tu fais des paroles des clients avec qui tu pourras être transparent, avec qui tu pourras être transparent. Ah, ça, c'est la même chose avec n'importe qui. Tu sais, le gars, la fille, commence à se niaiser, là, on peut se scruser, là. Ben, c'est ça. Puis quand ils sont mariés, ils se découvrent, là.